Ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Parce que ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Parce que ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Ce sont des gens comme ça qui font qu'il ne se passe rien dans le pays. Ce sont des gens comme ça qui font Non, là, c'est pas hier soir, pas hier soir. Après le 7, c'est 4 saisons. Après le 2, et l'année dernière, et la dernière saison, enfin non, il y a 3 ans, la dernière saison, je suis monté le 29 novembre. Au départ, on est monté le 18 ou le 12, en 4 saisons. Mais maintenant, au mois de décembre, ils y sont depuis le 1er, hein, le 12. Puis la fin juin, novembre, ils y sont. Ah ouais. Là, pareil, ça va être décalé. Au mois d'avril, t'as plus rien, t'as plus rien. Le patron, il m'a dit qu'il a fait novembre. Hein. L'hiver, il est décalé, si tu veux. Il s'avance de plus en plus, si tu veux. Il se décale. Il avance à chaque fois. En petit à mesure, il s'avance, il se décale. Hein. Voilà. Alors, Tarte au fromage. c'est joli. Dans les tribunes. Ça j'y passe jamais, tu suffit que c'est comme ça, il suffit que tu sois là, tu passes quand on se voit pas et moi voilà. Ah, merci. Alors là en plus là dans les tribunes parce que c'est comme si tu sors pas souvent tu sais pas ce que c'est. Moi comme je sortais pas souvent, là, parce que, toi, maintenant moi. D'avant. Parce qu'au mois de novembre, déjà l'année dernière, moi quand j'étais à Pierre Gaillot sur ce match-là, j'ai 4 saisons. Plus on montait le voilà. Au mois de décembre, au départ on est monté le 18 ou le 12. Maintenant, au mois de décembre, ils sont depuis le premier. Puis la fin juin, novembre, ils sont le patron, ils vont depuis la fin novembre. Hein. Là, pareil, ça va être décalé. Au mois d'avril, t'as plus de neige. Il se décale, il avance à chaque fois. À petit à mesure, il s'avance, il se décale.